L'agonie, livre 3, chapitre 13. Un éploiement de piques et de javelots, un hérissement de glaives, des éclairs de cuirasses et de casques, avec des flottements saigneux d'enseignes sur des hampes agitées, rayonnaient du camp des prétoriens, qui lâchaient aussi des turmes galopantes et des machines de guerre au bois grinçant. Ils couraient tous comme en une déroute, les barbares brandissant leurs longues lances à côté des vélites en leur poing sept javelots. Les principes et les trières frappant du glaive leurs boucliers bordés de fer, les frondeurs achéens et les sagittaires arabes, avec des cavaliers sur des éphipias de laine éclatante, et quelques-uns, comme les numides, dirigeant leurs montures sans l'aide de brides. À l'aube, plusieurs avaient aperçu les statues du fils de Mamméa souillées de boue et d'excréments. Et ils s'étaient révoltés, se refusant aux corvées, saisissant leurs armes, abattant leurs tentes, dont ils brûlaient les pieux, détachant les éléphants et battant les centurions qui essayaient de les ramener. Ce qui les émouvait était cet acharnement d'un empereur, fort des légions de l'Empire, de l'aplatissement des peuples et du servilisme des grands, contre un enfant et une femme faible, sans cesse sous le qui-vive d'une tuerie qui l'en aurait débarrassé. C'était depuis longtemps un apitoiement sourd en leur faveur, un apitoiement qui les fit déjà écraser en une erreur, amèrement regrettée depuis que la vérité s'était fait jour, les chrétiens de la sédition. Et la coupe avait débordé, quand, par les mains d'Atta, les statues du César se couvrirent de souillures, et aussi à la nouvelle de la lettre d'Elagabalus au Sénat et des menaces de mort proférées à la vieille Espérance dans la nuit qu'une orgie emplit de voluptés et de sang. Il se disait que Rome les seconderait, lasse de cet empire si contraire à ses traditions, qui avait introduit chez elle des cultes d'aberration et des pratiques dont elle rougissait de jour en jour, et que les familles patriciennes, dont Elagabalus faisait égorger les enfants, se révolteraient enfin comme eux. Et ce n'étaient pas seulement les soldats qui s'insurgeaient, mais des turmes de magnifiques légionnaires dans toutes les parties du monde recrutées. Catilius, toujours alité, ne commandait plus, et dont Antiochanus et Aristomachès, à sa place, avaient peine à se faire obéir. Elles avaient scellé leurs chevaux hauts comme des tours, appendu leurs carquois, bandé leurs arcs de bronze, empoigné leurs lances à oriflamme aiguë, et maintenant, quoique pussent leur dire ces chefs qui s'y étaient opposés bravement, elles galopaient dans la campagne avec des cris et des brandissements. Devant elles, Aristomachès et Antiochanus fuyaient, leurs chlamys rouges au vent, le glaive en l'air, frappant sur leur passage, semant par éclairs des cadavres, à peine suivis de quelques fidèles, vers Rome exaltante de fumée. Glycia remontait vers le camp, très aise de cet épouvantement qui allait débarrasser l'empire d'un étranger. Sa colère contre Sévéra ne cessait pas. À des bandes de soldats, il criait des phrases extraordinaires, les félicitait, les encourageait, se nommait, lui, Glycia, descendant d'un dictateur romain, lui, Glycia, patricien, dont un chrétien, ami d'Elagabalus, avait enlevé la femme. Les soldats s'arrêtaient alors et l'entouraient. Quelques-uns le voulaient entraîner avec une espèce d'idée de le mettre à leur tête, comme ils l'avaient fait pour d'autres, subitement devenus empereurs. Plusieurs juraient de punir le ravisseur, ce chrétien partisan des abominations du cône noir. Puis ils repartaient à toute vitesse, sans plus d'ordre, dans un nuage de poussière au-dessus duquel n'émergeaient que leurs lances et leurs glaives, qui faisaient des éclairs dans le ciel cuivreux. Le camp, fumeux de choses brûlées, de tentes dont les striges affaissées creusaient des trous noirs, se vidait lentement, en un vertige de bêtes de somme qui galopaient, de cors et de tubas, qu'au-dessus de retranchements abandonnés, des postes signèrent jouer. Parfois apparaissait un étendard, une hampe surmontée d'une bête, d'une main ou d'une poignée de foin. Une chose rouge flottait, une manipule s'en allait. Des cavaliers filaient et des piques crevaient encore le ciel par-dessus des casques souvent faits de gueules béantes d'animaux. Puis un éléphant barissait, sa trompe à l'air, et des hommes s'écartaient devant sa masse énorme qui plongeait en un horizon à peine distinct d'une multitude grouillante, hurlant sur des hauteurs nues. « Vois-tu ? » s'exclamait Aruska Glycia, de plaisir ne tout sautant plus. « Les prétoriens vont tuer Elagabalus, tuer ce Zal avec Sévéra, et tous les chrétiens qui protègent les étrangers. J'en suis ravi, mon vieux cœur se contente de cela, et mes yeux ne veulent cesser d'en témoigner. » Et il criait encore à d'autres bandes de soldats, leur montrant Rome de son grêle poing, agitant sa toge qui avait des claquements secs de voiles de barque poussées par un vent. Un homme invitait, comme lui, les révoltés à marcher sur la ville. Grand et maigre, vêtu de noir et glabre, Glycia reconnut Atta, à qui Sévéra, hospitalière à tous les chrétiens, avait jadis ouvert la villa, un peu avant l'assemblée de l'Esquilin, d'où Zal le chassa. « Je vais le faire tuer !» dit-il à Ruska, toujours le soutenant inquiétement. « C'est un chrétien, partisan d'Elagabalus, et un ami de Zal. Mort, mort à lui! Tu le connais, n'est-ce pas, Ruska? Tu vas leur conseiller avec moi de le tuer. » Il s'avança, hoquetant et forcené. Mais Atta, qui le reconnaissait également, le prévint, comme l'ayant deviné. « Tu cherches Zal, qui a abusé de ton épouse et qui soutient Elagabalus. Viens avec moi, je sais sa demeure, et ses soldats le tueront. » Glycia, bouche béante, ne put que dire. « Tu n'es donc pas avec lui, toi ? Mais non, j'abhorre Elagabalus, que ce Zal défende avec d'autres sectateurs de Christos dénaturés. C'est lui qui a détourné ton épouse, car Christos ne veut pas arracher l'épouse à l'époux. Et il l'a fait, lui, Zal. Mais Christos veille, et il ne laissera pas le péché triompher. » Toujours aux écoutes des chrétiens orientaux, il avait appris le départ de Sévéra et sa cohabitation avec Zal. Aussi, à tout hasard, réveilla-t-il la jalousie de Glycia. Celui-ci lui prit le bras. « Puisque tu sais sa demeure, conduis ses soldats pour qu'ils les tuent tous deux. Ils ont sali le nom de Glycia, et Glycia veut leur mort. »« Laisse-moi agir, » répondit Atta, dont une raie de sang traversa les yeux froids. Il disparut ensuite, sa tunique noire pénétra en des groupes qui se pressaient, et ses mains s'élevèrent, comme s'il eût appelé d'invisibles aides, par-delà l'horizon chargé de révoltés que toujours le camp dégorgeait. « Ce chrétien est honnête, Ruska. Il ne veut pas d'Elagabalus et repousse Zal. Le vois-tu appelant les soldats ? Suivons-le, il les fera tuer tous deux, et le nom de Glycia sera ainsi lavé des souillures de Sévéra. » Il retournait vers Rome, cependant tremblant, ne voulant pas s'avouer que, malgré ses fureurs, il craignait pour Sévéra, qu'il aimait toujours. Mais Ruska soupira fort. « C'est ton épouse, elle n'est peut-être pas coupable, et ses soldats la tortureront. Ne vaut-il pas mieux la sauver ?»« Tu as raison, » fit à la fin Glycia, soudainement sanglotant. « Tu as raison. J'éprouve malgré tout de l'amour pour elle. N'est-elle pas mon épouse ? Oui, oui, prévenons ce chrétien. » Ils coururent, mais derrière eux, des clameurs s'élevèrent. Debout sur une borne, coiffé d'un pétasse immense et vêtu d'un sayon brun, un individu agitait un énorme bâton. C'était Maglot, accouru au bruit de la révolte, accablant de ses véhémences le torrent de soldats qui s'écoulait. Au feu, la bête! Au fumier, le péché! Arrachez-lui les cornes, coupez-lui les ailes, abattez ses jambes d'argile! Rome vous souille tous de ses excréments! Son bâton menaça la ville, le Tibre, l'horizon, toute la campagne. En vérité, Christos est grand qui vous suggère la mort de la bête. Tuez-la, écartelez-la, semez ses membres dans vos champs qui en fructifieront. Christos vous récompensera dans son triomphe. Il ne s'imaginait pas qu'il y avait danger à parler ainsi. Des soldats, qui le savaient adversaire de l'empereur, s'étaient arrêtés. Mais lorsqu'il prononça le nom de Christos, un cri s'éleva. « C'est un chrétien, ami de la Gabalus !» Alors on le renversa. Une poussée se fit, des glaives étincelèrent, et la tête de Maglot, sanguinolente, la longue barbe rouge, les yeux crevés, fut hissée sur une pique. Le cadavre, abandonné là, disparut bientôt sous un piétinement d'autres soldats qui survenaient. Sinistre, la tête flamboya dans le ciel, la face vers Rome, qu'elle regarda de ses yeux morts.